Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette Eman. Dai Jua. On dirait une espèce de prédiction. Peut-être que ce que tu cherches ne viendra pas sous la forme à laquelle tu t'attends. Nakata, c'est bien qu'il est différent. Il n'a jamais éprouvé de désir sexuel. Et quand tu l'auras traversé, les choses seront plus claires. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Dixième épisode. Tu savais que ton séjour dans cette cabane ne serait que temporaire. Oui, je ne faisais qu'y passer. Cet endroit était trop serein, trop naturel, trop parfait. Je ne le méritais pas. C'était trop tôt, sans doute. Nous rentrons, Kafka Tamura. C'est merveilleux de vivre seul en pleine nature, cela ne fait aucun doute. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Trop se décontracter peut être source de menaces pour nous, les humains. Il faut une certaine préparation et de l'expérience pour accepter cette contradiction et vivre avec. Voilà pourquoi, dans un premier temps, nous retournons aux activités humaines et à la compagnie de nos semblables. À propos de contradiction, la première fois que je t'ai vu, j'en ai senti une en toi. Je me suis dit, ce garçon a l'air de chercher désespérément quelque chose et en même temps de tout faire pour l'éviter. Qu'est-ce que je cherche d'après vous, Oshima-san ? Oh, je sais pas. J'exprime juste une impression que j'ai eue. D'après mon expérience, quand on cherche désespérément quelque chose, on ne le trouve pas. Et quand on s'efforce d'éviter quelque chose, on peut être sûr que ça va venir vers nous tout naturellement. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Si vous appliquez cette théorie à mon cas, que va-t-il m'arriver si je cherche quelque chose et essaie de l'éviter en même temps ? Une question difficile. Peut-être que ce que tu cherches ne viendra pas sous la forme à laquelle tu t'attends. On dirait une espèce de prédiction. Comme dans Cassandre. Cassandre ? Une tragédie grecque. Cassandre était la fille du roi de Troie et une prophétesse. Apollon lui a donné le pouvoir de prédire le destin. Elle était l'oracle du temple. Et en échange, il a voulu l'obliger à avoir des relations charnelles avec lui. Elle a refusé, et le dieu en colère l'a maudite. Quelle était la malédiction ? Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. La malédiction de Cassandre ? Oui. Toutes les prédictions sorties de sa bouche se réaliseraient, mais personne ne la croirait. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons décidé de t'intégrer à l'équipe. Désormais, te voilà membre du personnel de la bibliothèque commémorative Komura. Vous voulez dire que je vais pouvoir travailler à la bibliothèque ? Pour être plus précis, tu fais maintenant partie de la bibliothèque. Tu vas y vivre et dormir. Tu ouvriras et fermeras les portes au public quand ce sera l'heure. Nous te donnerons sûrement quelques autres petites choses à faire. Par exemple, préparer du café, faire de petites courses. Une chambre t'attend déjà, dans l'annexe de la bibliothèque. Il y a même une douche. Au départ, c'était une chambre d'amis. Mais personne ne vient dormir à la bibliothèque et on ne s'en sert jamais. C'est là que tu vivras. Et le plus pratique dans tout ça, c'est que tu seras sur place pour lire ce que tu voudras. Mais comment... Comment cela a-t-il été possible ? Mais c'est très simple. Je te comprends. Et Mademoiselle Saiki me comprend. Je t'accepte. Et Mademoiselle Saiki m'accepte. Même si tu es un adolescent fugueur dont nous ignorons l'identité, c'est pas grave. Finalement, l'important, c'est ce que tu penses, toi. Ça te dit de faire partie du personnel de la bibliothèque ? Pour l'instant, j'ai juste besoin d'un lit. Je peux pas réfléchir plus loin. Je comprends pas très bien ce que ça signifie de faire partie du personnel de la bibliothèque. Mais si je peux vivre sur place, je vous en serai très reconnaissant. Alors c'est décidé. Je t'emmène là-bas. Et tu vas intégrer notre équipe. Dis-moi, papy, à propos de ton histoire d'aller dans le Shikoku. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas exactement? Nakata ne sait pas. Tu n'as pas de but particulier? Tu sais même pas où tu vas. Pourtant, il faut que tu ailles dans le Shikoku. Oui. Nakata doit traverser un grand pont. Et quand tu l'auras traversé, les choses seront plus claires? Peut-être, mais je ne peux pas savoir tant que je ne l'ai pas traversé. Alors l'important, c'est de franchir ce pont. Oui, c'est très important de le franchir. Huissier. Bon. Papy, tu bouges pas de ce banc, d'accord? T'as vu sur la mer et puis il y a des chiottes là-bas avec de l'eau potable si tu veux. Ça suffit à tes besoins, non? Alors ne t'éloigne pas, sinon tu risques de te perdre et de plus retrouver ton chemin. Entendu, monsieur Oshino. Ce n'est pas Nakano ici. C'est sûr, c'est pas Nakano, donc tu restes tranquille et tu ne bouges pas, ok? Compris. Nakata ne bougera pas d'ici. Super! Bon, ben je reviens dès que j'ai fini de décharger le camion. Il faut que tu saches certaines choses à propos de Mademoiselle Saiki. Quand elle était petite, ma mère était à l'école avec elle. Elles étaient très amies. D'après ma mère, c'était une petite fille très intelligente. Elle savait jouer du piano, elle était première dans tout ce qu'elle faisait. Et en plus, elle était jolie. Toujours une jolie femme, d'ailleurs. Oui. Depuis l'école primaire, elle avait un amoureux attitré. Le fils aîné de la famille Komura. Ils avaient le même âge. Ils habitaient à proximité, ils se quittaient jamais, tout naturellement, en grandissant, ils sont tombés amoureux. C'était un couple complètement fusionnel. Quand le jeune homme a eu 18 ans, il est allé à l'université de Tokyo. Elle, de son côté, elle a intégré une école de musique de sa région pour poursuivre ses études de piano. Et c'est ainsi que les deux amoureux se sont retrouvés séparés pour la première fois de leur vie. À 19 ans, elle écrivit un poème. Elle le mit en musique, le joua au piano, le chanta. La mélodie, comme les paroles, exprimait le chagrin de son cœur plein de nostalgie pour son ami lointain. Elle chanta sa composition devant quelques personnes. Quelqu'un a entendu sa chanson, fut impressionné, l'enregistra sur une cassette qu'il envoya au directeur d'une maison de disques de sa connaissance. La chanson plut beaucoup à cet homme. Il fit venir Mademoiselle Saiki à Tokyo, dans le studio de sa compagnie, et lui proposa d'enregistrer un disque. C'était la première fois de sa vie qu'elle allait à Tokyo, et elle en profita pour voir son ami. Ils s'arrangèrent pour se retrouver entre les séances d'enregistrement, s'aimer comme avant. Ma mère m'a dit un jour et qu'elle pensait qu'ils avaient des relations sexuelles quotidiennes depuis l'âge de 14 ans. Tous deux étaient précoces. Et comme il arrive souvent avec les adolescents précoces, ils avaient du mal à grandir. Ils se comportaient comme s'ils avaient encore 14 ou 15 ans. Dis, je t'ennuie peut-être avec ce conte de fées. Il va y avoir un revirement du destin, non? Exactement. Donc, le disque fut mis en vente et connu un énorme succès. Il y avait une photo de Mademoiselle Saiki sur la pochette. On la voyait assise devant le piano dans le studio d'enregistrement, souriante. C'était en 1969 ou 1970. Et on entendait cette chanson sur toutes les radios. Et quel était le titre de la chanson? Kafka sur le rivage. Kafka sur le rivage? Eh oui, Kafka Tamura. Le même nom que toi. Étrange coïncidence, non? C'est pas mon vrai nom. Enfin, si, Tamura, c'est mon vrai nom. Mais c'est toi qui as choisi ce prénom. Oui. C'est important. Ce n'est pas simple de devenir quelqu'un d'autre, mais changer de nom, rien de plus facile. J'avais décidé depuis longtemps que ce prénom convenait parfaitement à la nouvelle personne que j'étais. Le petit ami de Mademoiselle Saiki est mort à 20 ans, au moment où Kafka sur le rivage était un tube. Mademoiselle Saiki n'a plus jamais chanté. Elle s'est enfermée chez elle. Elle ne voulait plus parler à personne, même pas au téléphone. Elle n'a même pas assisté à l'enterrement de son ami. Plusieurs mois se sont écoulés, et puis un jour, on s'est aperçu qu'elle avait quitté la ville. Personne ne savait où elle était partie, et pourquoi. Elle s'était volatilisée, comme de la fumée. 25 ans plus tard, Aesunari est apparue à Takamatsu. Au bout d'un moment, elle a même repris contact avec la famille Komura. Ils ont eu un entretien, en tête à tête, et personne ne sait ce qu'ils se sont dit alors. Et finalement, elle est devenue responsable de la bibliothèque commémorative Komura. Tu sais, Kafka Tamawa, Mademoiselle Saeki est une femme enveloppée de mystère comme d'un vêtement subtil et raffiné. Il y a quelque chose en elle qui empêche les gens d'approcher. Bonjour, Madame Lamouette. Est-ce que Nakata peut faire un bout de conversation avec vous? Vous savez, ça fait longtemps que Nakata n'a pas vu la mer. Quand il était petit, il est bien allé plusieurs fois à la plage avec sa famille. Il a même mis un maillot de bain et a ramassé des coquillages à marée basse. Mais c'est comme si cela a eu lieu dans une autre vie. Et Nakata ne se rappelle pas avoir vu la mer depuis cette époque. Après son accident, Nakata est retourné à l'école à Tokyo. Mais Nakata n'a jamais retrouvé la mémoire. Il était incapable de se souvenir de quoi que ce soit. Il ne se rappelait même pas son nom. Je ne savais même plus mon nom. Ma tête était complètement vide, comme une baignoire dont on a enlevé la bonde. Il était revenu dans le monde ordinaire, la tête complètement vide, pareil à une feuille blanche. Nakata n'a jamais pu réapprendre à lire ni à écrire. Et il n'a pas pu passer les examens. Comme il était incapable d'entrer au collège, une fois l'école primaire terminée, on l'a envoyé chez ses grands-parents, dans la préfecture de Nagano. C'est vers cette époque que Nakata s'est mis à comprendre le langage des chats. Ses grands-parents en élevaient plusieurs, et Nakata est devenu très ami avec eux. Au début, il ne pouvait échanger que quelques mots, mais bientôt, il a réussi à tenir d'assez longues conversations. Ils lui ont enseigné beaucoup sur la nature et la vie. En fait, c'est eux qui lui ont appris comment marchait le monde. Vous savez, Madame Lamouette, cette vie n'a pas rendu Nakata malheureux. Il ne s'est jamais senti particulièrement seul. Il n'a jamais éprouvé de désir sexuel, ni même simplement l'envie d'avoir quelqu'un près de lui. Nakata sait bien qu'il est différent. Il a remarqué que son ombre sur le sol est plus légère et plus pâle que celle des autres. Jusqu'à aujourd'hui, et pendant plus de 10 ans, Nakata touchait sa pension tous les mois, recevait une carte de bus, allait parler avec les chats dans les parcs du quartier et menait une vie tranquille. Jusqu'à aujourd'hui, Nakata n'était jamais sorti du quartier de Nakano. Il ne ressentait pas la solitude et ne s'inquiétait pas pour l'avenir. Il savourait chaque jour qui passait. Telle a été la vie de Nakata. Jusqu'au jour où Johnny Walken est apparu. Ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est que tu me tues. Que tu me supprimes. Nakata doit tuer Monsieur Johnny Walken. D'abord, tu as peur de moi. Ensuite, tu me détestes. Et finalement, tu m'assassines. La mer. Ça fait longtemps que Nakata n'a pas vu la mer. Ça fait vraiment très longtemps qu'il a perdu le souvenir de ce qu'est la mer. Il n'y pense même jamais. Tout ce que Nakata en sait, c'est qu'elle est très vaste, très salée et que des poissons vivent dedans. À vous entendre, Oshima-san, j'ai l'impression que Mademoiselle Saki est revenue dans cette ville uniquement dans le but de travailler à la bibliothèque Komura. C'est exact. Pourquoi ce lieu est-il si important pour elle ? Tout d'abord, c'est là que son ami vivait. Et puis, c'était un garçon assez solitaire. C'est pourquoi, dès son entrée au collège, il a déclaré qu'il ne voulait plus habiter la maison principale où vivait toute la famille, mais s'installer dans ce petit bâtiment qui fait maintenant partie de la bibliothèque. Mademoiselle Saeki venait lui rendre visite tous les jours. Ils étudiaient ensemble, écoutaient de la musique, parlaient pendant des heures. Et sans doute faisait-il l'amour. Sans doute faisait-il l'amour. Parfois aussi, ils dormaient ensemble. Cet endroit était leur paradis. Et c'est là-bas que tu vas vivre, mon petit Kafka. Fondamentalement, la vie de Mademoiselle Saeki s'est arrêtée à 20 ans, à la mort de son amie. Elle n'avait peut-être même pas 20 ans, je ne sais pas exactement. Ce que je veux dire, c'est que les aiguilles de l'horloge enfouies dans son âme se sont arrêtées brutalement à cet âge-là. Ensuite, évidemment, le temps extérieur a continué de s'écouler et a laissé ses marques sur elle, comme sur tout le monde, mais pour elle, ce qu'il est convenu d'appeler le temps n'a aucun sens. Aucun sens? C'est comme s'il n'existait pas. Autrement dit, elle continue à vivre dans ce temps arrêté? Exactement. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle soit un mort-vivant. Quand tu la connaîtras un peu, tu comprendras. Tu sais, Kafka Tamura, il y a dans nos vies des points de non-retour. Et dans certains cas, des points au-delà desquels on ne peut plus avancer. Quand ça arrive, tu es obligé de l'accepter, de vivre avec. Encore une chose que tu dois savoir. Mademoiselle Saeki a le cœur blessé. Son âme est agitée de mouvements étranges. Je ne veux pas dire par là qu'elle est dangereuse, pas du tout. Elle se comporte parfaitement bien au quotidien, en essence, plus normalement que la plupart des gens que je connais. Simplement, je voudrais que tu ne t'inquiètes pas si tu remarques des choses bizarres dans son attitude. Des choses bizarres ? Excuse-moi, papy, hein, j'aurais dû terminer avant, mais il y a eu un tas de complications. Là, dans les entrepôts des grands magasins, il y a toujours un type pour venir te casser les pieds. Ça ne fait rien. Nakata ne s'est pas ennuyé. Il est resté là tout le temps, à regarder la mer. Eh ben, voilà longtemps que Nakata n'a pas vu la mer. Ah bon? Allez, allons-y. Là, le déchargement m'a pris plus longtemps que prévu. Si on traîne, il va faire nuit. Où allons-nous? Dans le Shikoku, pardi. On va traverser le pont. C'est bien ce que tu voulais, non? Oui. Mais votre travail? T'occupe. Mon boulot, je trouverai toujours un moyen de le faire. J'ai trop travaillé ces derniers temps. Et justement, je pensais prendre un peu de vacances. J'ai encore jamais mis les pieds dans le Shikoku. J'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble. Et pour toi, papy, c'est plus commode d'être avec moi, non? Tu sais pas lire, tu vas pas acheter tes billets tout seul. Pas vrai? Ah ben, peut-être que ça te dérange que je vienne avec toi. Pas du tout. Ça ne dérange pas du tout, Nakata. Alors c'est décidé, on part ensemble dans le Shikoku. J'ai pris les horaires de car. Quand je n'ai pas envie de rentrer chez moi, il m'arrive de rester dormir ici, dans cette chambre. C'est rare, mais personne d'autre n'utilise cette pièce. Et à ma connaissance, Mademoiselle Saiki n'y entre jamais. Tu vois, ça ne dérange vraiment personne que tu t'y installes. Où travaille Mademoiselle Saiki d'habitude ? Au-dessus. Elle travaille toujours là-haut. Je viendrai te chercher un peu avant 10h demain matin, pour t'expliquer, en gros, l'organisation du travail. Repose-toi tranquillement d'ici là. Merci pour tout. My pleasure. La chambre est dépourvue de toute décoration, à l'exception d'une petite peinture à l'huile accrochée au mur. Ce tableau plein de réalisme représente un jeune adolescent au bord de la mer. Le garçon doit avoir une douzaine d'années. Protégé du soleil par un chapeau blanc, il est assis sur une petite chaise longue. Un coude sur l'accoudoir, il a posé sa joue sur sa main. Son expression est légèrement mélancolique et fière en même temps. Un berger allemand noir est couché à ses pieds. Derrière lui, on aperçoit la mer. Kafka sur le rivage. Au bout d'un moment, il me semble entendre le bruit des vagues et sentir l'odeur de la marée. L'adolescent représenté est peut-être le garçon qui a vécu jadis ici. Celui que Mademoiselle Saiki a aimé et qui est mort à 20 ans. Kafka sur le rivage. Je n'ai aucun moyen de le vérifier, mais j'en ai la vague intuition. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. 10e épisode. Avec Igor Manjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Juliette Plumcock-Mesh, Oshima, Jonathan Cohen, Oshino, et les voix d'Arthur Ribaud, Philippe Magnan, Anne Alvaro, René Farabet. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Broire, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.